J'irai pas au paradis, non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah. Aujourd'hui, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Notre invitée, Mélanie Vogel. Bonjour. Bonjour. Sénatrice Europe Écologie Les Verts, vous avez porté une proposition de loi pour inscrire l'avortement et la contraception dans la Constitution. Mais avant d'y revenir, une question plus personnelle peut-être. Vous n'étiez pas née quand la loi de 75 a été votée. C'est vrai. Elle était donc un acquis quand vous êtes devenue femme. Mais quand avez-vous pris conscience du combat pour l'IVG, de ce qu'il a représenté et ce que ce droit pouvait être fragile finalement? Je crois que toutes les femmes, quel que soit leur âge et partout, savent que la question de l'accès à l'avortement est une question essentielle. Évidemment, bon, moi je suis née en 1985, donc 10 ans plus tard, et c'est impensable pour moi de vivre dans une société où si je tombais enceinte et que je ne souhaitais pas poursuivre ma grossesse, quiconque, la loi ou qui que ce soit, pourrait m'empêcher d'avoir accès à l'avortement et me forcer en quelque sorte à poursuivre une grossesse. Mais au-delà de mon cas particulier, je pense que c'est un combat des féministes qui est sans doute le combat le plus partagé parmi les féministes. Vous savez, les féministes, on est parfois en désaccord sur certaines choses, mais alors le droit à l'avortement, c'est vraiment une question qui nous rassemble de façon universelle partout, et donc on en a conscience parce que il est partout tout le temps et qu'il est menacé partout. Et donc la question sur quand est-ce que j'ai pris conscience, jamais, toujours, en quelque sorte. Vous êtes voilà. Née avec ça. Voilà. Mais toutes les femmes naissent avec ça parce que on sait que à partir du moment où on a une vie sexuelle, qu'elle soit consentie ou non, eh bien, le risque d'une grossesse indésirée existe. Et donc, face à ce risque, la possibilité d'avoir l'accès à l'avortement, est une condition essentielle. Par ailleurs, on sait, mais bon, je pense qu'on va y revenir plus tard dans la discussion, ce droit, il est aujourd'hui en recul. Il n'a pas été acquis partout, mais là où il a été acquis, il recule. En Pologne, où aujourd'hui, aussi. En Pologne, on peut quasiment plus avorter. Hein. Et c'est un revirement de la Cour constitutionnelle, d'ailleurs. C'est pas un changement législatif qui a rendu l'avortement de facto impossible en Pologne. En Hongrie, très récemment, est passée une loi pour forcer les femmes qui souhaitent avorter à écouter le cœur du fœtus avant de procéder à l'avortement. En Espagne, il y a 7 ans, on a reculé aussi. Et puis, on a aujourd'hui une majorité politique en Italie qui a été élue sur un programme antiféministe et avec des positions très fortes contre l'avortement. Et une proposition de loi qui a été déposée au Parlement italien par la droite pour restreindre l'accès à l'avortement. Donc, voilà, on est dans un contexte global de recul de ce droit. En France, est-ce qu'il y a toujours, vis-à-vis d'avortement, des réflexions comme les femmes ne savent pas gérer leur sexualité, parce que ça passe aussi par un changement des mentalités, le travail n'est pas terminé? Ah non, mais le travail n'est jamais... par définition, de toute façon, le travail sur le droit des femmes et tous les combats féministes ne sont jamais terminés. On les mène, on les gagne, et quand on les a gagnés, il faut toujours les protéger parce qu'ils peuvent toujours reculer. C'est le cas de l'avortement, c'est le cas de tous les combats féministes. Alors, autre problème, l'IVG est donc légal, très bien, mais est-ce que toutes les Françaises ont un même accès à l'IVG ? Non, parce que effectivement, c'est une chose d'avoir un droit qui est inscrit dans la loi, et c'est vrai qu'en France, par rapport à d'autres pays européens, à part sur la question des délais légaux, où la France n'est pas dans la moyenne haute en Europe, puisqu'il y a des pays où on peut avorter bien plus tard, mis à part sur la question des délais légaux, d'un point de vue juridique, le droit à l'avortement est plutôt assez bien encadré en France. Aujourd'hui, il est remboursé à 100% par la Sécurité sociale. On n'a pas besoin de démontrer d'autres justifications que le fait qu'on ne souhaite pas poursuivre sa grossesse, qui est un élément très important. Il y a beaucoup de pays où il faut démontrer qu'on est en détresse, psychologique ou financière, ou qui a un danger pour la vie de la mère, ou etc. Donc voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, ce qui compte aussi sur le terrain, c'est l'accès effectif au droit. Alors, globalement, les Françaises arrivent

toute la nuit où on me perd de sang. Enfin, c'était abondant, quoi. Puis au bout d'un moment, il y a quand même vraiment la poche et l'œuf qui s'évacuent. Donc là, faut aller aux toilettes parce que, enfin, on peut pas contenir. Voilà. C'est une semaine après que là j'ai eu le contre-coup et ça a été assez sévère. Mais ça va, c'est mieux maintenant. J'ai un peu évacué là, je me sens mieux. C'est plus facile. Et votre copain, vous êtes toujours avec lui ? Oui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Vous voulez un enfant plus tard ? Ah oui, pour moi, oui. Dans mon idée, d'ici 2 ans, 3 ans maximum, j'ai un enfant. Il est d'accord ? Lui, il est d'accord. Il me dit que dès qu'on a un travail, que c'est sûr, lui, c'est juste ça qui le freine. C'est pas le fait d'avoir un enfant en soi, c'est de pouvoir vraiment l'avoir dans de bonnes conditions, quoi. Ça se fera, quoi. J'espère. Mélanie Vogel, on vient d'entendre, je disais c'est une libération, mais c'est pas un geste anodin non plus. L'avortement, c'est une épreuve. Alors ça dépend. Ça peut être une épreuve, ça peut être pas du tout une épreuve. Ça dépend vraiment. Il y a autant, je crois, d'expériences d'avortement que d'histoires de grossesse indésirée. Mais le drame, ce n'est jamais l'avortement. Le drame, c'est la grossesse indésirée. Bien sûr. L'avortement, c'est une solution à la grossesse indésirée. Après, oui, ça dépend de chaque personne, de chaque histoire, de chaque contexte et de la manière aussi dans lequel se déroule l'accès à l'avortement. Parce que si, quand vous êtes face à ce drame qui est d'avoir une grossesse que vous n'avez pas désirée, que vous ne souhaitez pas poursuivre, si vous êtes accueilli dans des bonnes conditions, que vous n'êtes pas jugé, qu'on vous explique que vous exercez simplement un droit fondamental qui est le vote de choisir si oui ou non vous allez poursuivre cette grossesse, ça a toutes les chances de mieux se passer que si on vous explique que c'est dramatique, que quand même vous auriez pu faire plus attention, que c'est quand même un peu votre faute et que c'est quand même un peu mal ce que vous allez faire, mais qu'on va vous le concéder, mais quand même, c'est pas très bien. La balle est dans le camp du corps médical, finalement. En partie, oui. En partie. Alors, vous portez donc un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Vous me confiez tout à l'heure vos craintes par rapport au recul qu'on peut voir dans certains pays occidentaux, on va prendre le même modèle, et au sein de l'Union européenne. Donc, cette proposition de loi, c'est parce que vous sentez que l'IVG pourrait être menacée, elle aussi, en France ? Alors, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, comme on le disait au début, l'IVG peut être menacée en France comme elle peut être menacée partout. Je crois que, de façon générale, on peut jamais se dire que les droits des femmes sont acquis et qu'il faut pas être davantage vigilant. Voilà. Il y a jamais une situation où on peut se dire tout va bien. Ensuite, effectivement, il y a un mouvement de recul. C'est évident, on le voit. On le voit partout, y compris juste aux frontières de la France. Et on a quand même élu récemment à l'Assemblée nationale 89 députés du Rassemblement national, qui n'est pas une force politique qu'on reconnaît pour sa mobilisation active et énergique pour les droits des femmes. Donc on a un contexte. La deuxième raison, c'est que en fait, c'est pas tellement la menace imminente qui est importante pour reconnaître qu'il faut le protéger de l'inconstitution. C'est le fait que justement cette menace existe potentiellement et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une société française et une classe politique qui ultra majoritairement est très attachée au droit à l'avortement. Les études démontrent qu'on a 83% de la population qui est très attachée à ce droit et 81%, quelle que soit l'appartenance religieuse, la catégorie socio-professionnelle, la proximité politique, 81% qui souhaitent son introduction dans la Constitution. Donc en fait, on a aujourd'hui les conditions politiques et sociales pour protéger ce droit dans la Constitution. Et il est évident que c'est le cas pour le droit à l'avortement, mais que pour n'importe quel droit qui risque de reculer, c'est au moment où on a les moyens de le protéger qu'il faut le protéger. Parce que après, quand il est menacé réellement, oui, c'est trop tard. Il faut agir avant. C'est voilà. En prévention. En prévention. On se retrouve dans 3 minutes, Mélanie Vogel. Call it a coincidence. I'm a little bit France Inter. Affaires sensibles. Mélanie Vogel, qu'est-ce que ça changerait si le droit à l'avortement était inscrit dans la Constitution ? Alors, ça changerait quelque chose de très important. Moi, j'aime pas du tout quand on raconte ici et là que c'est une mesure purement proclamatoire, symbolique, que c'est pour se faire plaisir. Pas du tout. Ça a une conséquence très concrète. Ce qu'on veut faire, c'est faire que n'importe quelle loi régressive, que ce soit une loi qui aurait pour but de réduire les délais légaux, de dérembourser, de rajouter des conditions, que n'importe quelle loi régressive vis-à-vis du droit à l'avortement soit anticonstitutionnelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on est dans une configuration juridique en France où il n'y a aucune protection constitutionnelle du droit à l'avortement. Le Conseil constitutionnel a certes reconnu que les lois qui avaient permis l'IVG ne violait pas la Constitution, donc la Constitution permet le droit à l'IVG en France, mais elle ne l'oblige pas. Et d'ailleurs, entre 1958 et 1975, l'IVG était illégal, eh ben, on avait la même Constitution, et puis il y a encore quelques années, c'était 12 semaines, maintenant c'est 14, eh ben, la Constitution le permettait. Donc la Constitution française, elle permet l'IVG illégal ou l'IVG légal. Si on l'inscrit dans la Constitution, on empêche le législateur de pouvoir régresser. C'est pas une protection universelle et absolue, parce qu'évidemment, tout peut arriver, il peut y avoir une révolution, on peut changer la Constitution, bien sûr, mais c'est une protection qui est bien supérieure à la loi, puisque c'est beaucoup plus difficile de changer la Constitution que de changer la loi. Alors, ça passe par une proposition de loi, donc ça veut dire que ça vient des parlementaires. On sait que dans notre système plus présidentiel, c'est l'exécutif qui a quasiment tous les pouvoirs, avec ses projets de loi. Il faut avoir un certain courage pour déposer une proposition de loi, il faut y croire. Elle en est où d'ailleurs ? Comment ça se passe ? Alors, tout d'abord, bon, c'est peut-être un peu technique, mais nous, ce que nous souhaitons, et je pense que c'est vraiment, quand je dis nous, je veux dire toutes les personnes qui souhaitent que ce droit soit inscrit dans la Constitution, nous souhaitons qu'à la fin, ce soit un projet de loi, que le gouvernement reprenne la main, pour une raison simple, c'est que quand une proposition de modification de la Constitution vient du gouvernement, on n'est pas obligé de le ratifier par un référendum, on peut le ratifier en congrès, et je pense que personne ne souhaite, quand on sait que 80% de la population est favorable, quand on sait qu'on a d'autres endroits où dépenser des dizaines de millions d'euros, parce que ça coûte des dizaines de millions d'euros d'organiser un référendum, et quand on sait que ça donnerait pendant des mois une tribune aux opposants à l'IVG, personne ne veut organiser un référendum là-dessus. Donc on veut que ce soit un projet de loi. Mais le gouvernement nous a dit oui, ben nous on est favorable, mais on soutiendra les initiatives parlementaires. Bon, moi je suis pas ministre, je suis parlementaire, donc ce que je peux faire, c'est des initiatives parlementaires. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Je l'ai pas fait toute seule, et ça, c'est quelque chose que je pense est important. En tout cas, pour moi personnellement, c'est important. J'ai été élue il y a pas longtemps, ça a été une expérience, et je pense que ça va l'être, parce que moi je pense qu'on va y arriver à la fin. On va le mettre dans la Constitution, le droit à l'avortement. C'est un combat qu'on mène avec beaucoup de femmes, de féministes, de tous les partis politiques, enfin tous. Et des hommes aussi, non ? Et des hommes, mais la proposition de loi, enfin le travail au jour le jour qu'on a mené ensemble, c'est principalement avec des femmes, avec Laurence Rossignol, avec Laurence Cohen, avec Mathilde Panot à l'Assemblée nationale, avec Aurore Berger. Bref, ça montre que sur une question comme ça, des femmes de familles politiques différentes qui s'opposent sur beaucoup de choses peuvent vraiment travailler ensemble main dans la main, au-delà des attachements partisans, pour ce que nous considérons être un droit fondamental qui doit transcender tous nos autres désaccords. Cela dit, et malgré le mouvement de recul que vous sentez sur la question de l'avortement, on voit aussi que la question du droit des femmes fait des progrès, et c'est normal. C'est peut-être un bon signe aussi pour l'avenir de l'interruption volontaire de grossesse. C'est assez paradoxal finalement, hein. D'un côté un recul et de l'autre un combat des femmes qui avance. Ouais, mais c'est toujours un peu comme ça, si vous voulez. En fait, ça, ce serait une avancée supplémentaire, puisque en fait, il s'agirait de consacrer l'acquis. D'accord, le mettre dans la Constitution, on va se réveiller le lendemain dans un pays relativement similaire, mais ça nous empêchera de reculer. Et arriver, en fait, on a mettre le droit à l'IVG dans la loi, on l'a. Puis il y a eu plusieurs lois. D'abord, on a dépénalisé, puis ensuite, on a ouvert les conditions, puis on a déremboursé, puis on a allongé les délais légaux. Enfin, c'est un droit qui progresse. Le mettre dans la Constitution, c'est une avancée en plus. Et c'est vrai que là, pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Mais les combats féministes, ils réussissent jamais du premier coup. La loi Veil, il y avait eu des lois avant, 3 ou 4, qui ont raté, jusqu'à ce que la loi Veil puisse être adoptée. Et puis elle a été adoptée que pour 5 ans, puis 5 ans après on a dû la revoter, et petit à petit on avance. Et vous aurez remarqué que, à part la loi Veil, la droite, et on est dans une situation un peu particulière au Sénat, parce que la droite est ultra majoritaire au Sénat, et c'est pas très représentatif de l'état de la société par rapport à ce sujet, la droite s'est toujours opposée à toutes les avancées. Quand on a voulu rembourser, s'y est opposée. Encore récemment, pour allonger les délais légaux, la droite s'est opposée. Donc elle s'oppose toujours, donc elle s'oppose à la constitutionnalisation. Et puis après, moi je suis convaincue qu'on va y arriver. Et puis quand on y sera arrivé, ils diront qu'ils sont tout à fait attachés à l'acquis, puis ils s'opposeront à un autre progrès. Et c'est comme ça qu'on avance, voilà, toujours. Donc si vous voulez, je suis pas surprise du tournant que ça prend. Et on disait que la balle était dans le camp des médecins. J'y reviens sur ce point, la loi Veil a introduit, vous me dites si je me trompe, hein, dans le droit, une clause de conscience qui permet à certains médecins de refuser de pratiquer un avortement. C'est un sérieux problème, si un médecin a des problèmes de conscience, ouais, c'est son affaire. Enfin, la loi est la loi, pourquoi ne pas l'appliquer fermement et dire, médecin, écoutez, vos problèmes de conscience, vous les mettez dans votre poche. Personnellement, je suis d'accord avec vous. Ça a été un compromis qui a été trouvé à ce moment-là. Mais moi, je considère aussi que l'avortement, c'est un droit fondamental et que on n'est pas obligé de devenir gynécologue, médecin, sage-femme. Je veux dire, on peut faire plein de choses dans la vie. On n'est pas obligé de faire ça. Mais je crois que quand on fait ça, un peu comme en Suède, puisque c'est le cas en Suède, quand on devient médecin, on s'engage à accepter le fait que, eh bien, dans l'exercice de son métier, on peut être amené à permettre à des personnes d'interrompre leur grossesse. Et moi, je crois aussi que ça doit faire partie, voilà, ça fait partie des choses auxquelles on est confronté quand on est médecin, quand on est sage-femme, des personnes qui veulent avorter. Et je crois pas qu'on puisse mettre à égalité le droit d'une femme à disposer de son corps et de sa vie. Parce qu'en fait, avoir un enfant ou pas, poursuivre une grossesse à terme ou pas, c'est pas seulement que son corps sur le moment, c'est sa vie entière. C'est la vie qu'on engage, bien sûr. Voilà. Et on peut pas mettre à égalité ce droit-là ou le fait d'être dérangé par pratiquer un avortement, parce que quand on pratique un avortement, c'est pas la volonté du médecin qui est en jeu, c'est la volonté de la personne qui souhaite interrompre sa grossesse. Merci infiniment, Mélanie Vogel. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Colla. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Récit documentaire, Margot Pinel, Stéphanie Fromentin, Odile Conseil et Jean Bulot. Attaché de production, Rebecca Donante. Coordination, Franck Cognard. Réalisation, Hélène Biziou, Frédéric Milano et Stéphane Courme.